Les aventures de Tom Sawyer, de Mark Twain. Où est passé ce garçon? J'aimerais bien le savoir. Tom Sawyer? Traduction de Bernard Höpfner. Eh oh! Adaptation de Pierre Sange. Tom? Tu es là? Il me fera monter et descendre les escaliers 100 fois par jour, ce satané gars. Tom, je t'avertis. Je suis sûre que si je te mets la main dessus, je... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu pourrais me dire où est Tom au lieu de miauler. Jamais je n'ai connu un garnement pareil. Jamais là où on croit qu'il est. Est-ce que je finirai par comprendre? Il ne m'a pas joué assez de tours de ce genre. Il faut encore que j'aille le chercher au diable une fois de plus. Je dois être folle, c'est ça. Le jeune garnement que Tante Polly essaie encore une fois de retrouver s'appelle... Tom Sawyer. Tom Sawyer. Il est peut-être parti pêcher à la ligne. Ou cueillir des pommes. Ou creuser un tunnel en compagnie de son ami Joe Harper. On le saura bien assez tôt. En attendant, pendant que Tante Polly poursuit ses recherches, voyons dans quel décor nous avons mis les pieds. Connaissez-vous le Mississippi ? C'est l'un des plus grands fleuves du monde. Il mesure près de 4000 km de la source à l'embouchure. Il est si large, si puissant, qu'il charrie chaque année des millions de tonnes de sable et de gravier jusqu'à l'océan. On y trouve évidemment toutes sortes de poissons. Mais aussi des ratons laveurs. Des castors. Des rats musqués. Et il fallait s'y attendre. De terribles alligators. Les hommes chassent les alligators pour revendre leur peau, mais de temps en temps, c'est au tour des alligators de capturer les hommes. Ah, ma jambe! Le Mississippi se trouve aux États-Unis d'Amérique. Si vous regardez une carte d'Amérique du Nord, vous trouverez quelque part, pas tout à fait au milieu du pays, mais presque, l'immense serpent du Mississippi. Non, c'est une image, c'est juste pour décrire les méandres. À un certain endroit, le fleuve est rejoint par la rivière Missouri. C'est là que se déroulent les aventures de Tom Sawyer. La plupart des histoires que je vais vous rapporter sont authentiques. Toutes les superstitions un peu étranges que l'on pourra entendre étaient largement répandues parmi les enfants et les esclaves vivant à l'époque de ce récit, c'est-à-dire vers 1840. Bien que cette histoire soit destinée à divertir les garçons et les filles, espérons qu'elle intéressera également les grandes personnes et leur rappellera dans quelles étranges entreprises elles se sont parfois lancées quand elles étaient enfants. Tom ! C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Pourtant, bonté divine, il n'en invente jamais deux pareils d'un jour sur l'autre. Et comment savoir ce qu'il vous prépare? Tom? Tom? Sacripant. On dirait qu'il sait exactement pendant combien de temps il peut me tourmenter avant que je me fâche tout rouge. Est-ce qu'il serait dans la grange? Tom? Ou du côté de la rivière? À coup sûr, il est en train de faire l'école buissonnière. Et je serai tout bonnement obligée de le faire travailler demain pour le punir. C'est dur de le faire travailler le samedi, quand tous les gamins sont en congé. Et c'est qu'il déteste travailler en plus. Oh ! Il est peut-être en train de me voler de la confiture encore une fois. Je n'aime pas le punir, mais je dois accomplir mon devoir. Oh ! Ah, te voilà, Tom. Juste à temps pour aider le pauvre Jim à fendre du bois. Fendre du bois? Je préférerais aller à la pêche aux écrevisses, comme l'autre fois. Allez, du petit bois pour le feu. Sans petit bois, pas de souper. Et sans souper, pas assez de force. Pas assez de force pour fendre du bois. Et tout recommence, tous les jours. Ça, c'est exact, Mr. Tom. Mais le bois, ça réchauffe deux fois. Une fois quand on le coupe, une fois quand on le brûle. Eh ben, Jim, ça va t'épater. Figure-toi que tout à l'heure, j'étais en train de travailler. Ah oui? Ouais, parfaitement. Tiens, passe-moi cette bûche, tu veux? Ouais. Oh, c'est lourd, ça. Tante Polly m'a demandé de repeindre la clôture au lait de chaud. C'était pour me punir d'avoir fait l'école buissonnière hier. Ah, c'était ça alors. J'ai entendu Tante Polly te chercher toute la sainte journée. Bon, travailler le samedi matin, très peu pour moi. Mais enfin, j'y suis allé. Avec mon seau de lait de chaud et mon pinceau à long manche, tu vois là. J'étais plutôt bien parti, bien vaillant et tout ça. Après tout, c'est amusant la peinture. C'est vrai? Ouais, beaucoup plus amusant que feindre du bois et moins fatigant. Enfin, c'est ce que je croyais. Mais tu te rends compte, Jim? 30 mètres de clôture en planche, 1 mètre et demi de haut, c'est quelque chose. J'ai commencé à badigeonner bien, bien soigneusement, comme dit le maître d'école. Au bout d'une heure, j'ai regardé le tout petit bout que j'avais déjà peint, puis j'ai regardé le très, très long bout que je n'avais pas encore peint. Et alors? Eh ben, ça m'a découragé. Heureusement, c'est à ce moment-là qu'est arrivé mon ami Ben, tu sais? Ben Roger? Exactement. Il est arrivé vers moi, là, en imitant un bateau à aube, tu vois. Ding, ding, ding, ding, stoppez les machines. Navire prêt à appareiller. Ding, ding, ding, ding, ding, la barre à tribord. Bon, moi, je le vois venir. Il me regarde de haut, en train de travailler. Il était tranquillement en train de manger une pomme. Oh, t'aurais dû la voir, cette pomme. Comment elle était? Rouge, ronde, brillante. Moi, j'en avais assez de peindre cette fichue clôture. Alors, tu sais quoi? Non, Mr. Tom. J'ai eu ce qu'on appelle une inspiration. Ah, ça arrive souvent par cette chaleur. Non, Jim. Inspiration, pas transpiration. Ah. Je me suis servi de la ruse. J'ai fait comme si ça me plaisait vraiment de peindre, tu comprends? Je me suis mis à siffloter, comme ça, l'air tout content. Ben Roger, ça a commencé à l'intriguer. Salut Tom. T'es mal barré, on dirait. Hey Tom, tu m'entends? Ah Ben, c'est toi. Je t'avais pas vu. Dis donc, je vais aller me baigner. Tu voudrais pas venir? Mais dis pas que tu préfères travailler. Qu'est-ce que tu veux dire, du travail? Bah ben, quoi, c'est pas du travail ça? Peindre toute cette clôture? Ah, peut-être après tout, hein. Ça dépend des opinions. Tout ce que je sais, c'est que ça me plaît bien, moi. T'essayes quand même pas de me dire que t'aimes ça. Bon, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir badigeonner une clôture. Alors tu vois, je saute sur l'occasion. Ah, bon. Dis-moi, Tom. Laisse-moi badigeonner un peu. Non, non, Ben. Tante Polly voudrait pas. Allez, quoi. Chacun son tour. Ouais, je t'assure, Ben, c'est pas donné à tout le monde, hein. Il faut faire ça comme il faut. Laisse-moi essayer, juste un peu, je ferai attention. Je sais pas. Tante Polly pourrait nous voir. Mais dis, je te donnerai le trognon de ma pomme. Je te donnerai ma pomme toute entière. Toute la pomme? Ouais. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Donne-moi la pomme. Prends le pinceau. C'est bien parce que t'es mon copain. Tom, on peut dire que t'es un drôle d'animal. Tiens, passe-moi cette bûche, tu veux? Ouais. Oh. Et après Ben Roger, j'ai piégé aussi Billy Fisher qui m'a donné son cerf-volant. Puis Johnny Miller aussi qui m'a donné une griffe de chat. Puis Sam Donovan, puis le gros Frankie. Tiens, regarde mon trésor maintenant. J'ai 12 billes. Un morceau de guimbarde, hein, un éclat de verre de bouteille bleue pour regarder à travers, un canon là, fait avec une bobine, une clé, mais elle ouvre rien je crois, un morceau de craie, un soldat de plomb, deux tétards, tiens Jim, regarde mes deux tétards, un bouton de porte en cuivre, un collier de chien, un manche de couteau, quatre morceaux de peau d'orange et... Et ce truc-là, je sais pas ce que c'est. On dirait un vieux contrepoids de fenêtre. Ouais, ça doit être ça. C'est un beau trésor. Ah, merci. Et en plus de ça, la clôture est peinte. Et tout bien compté, avec un trésor pareil, c'est une bonne journée pour Tom Sawyer. Non seulement il a accompli sa tâche avec brio, mais en plus, il a mangé la meilleure pomme de tout le comté. Et pour une fois, Tante Polly n'est pas déçue par son sacripant de neveu. Elle est même très étonnée de voir, à travers ses lunettes de vieille dame, sa clôture non pas simplement badigeonnée, mais couverte de deux ou trois couches de peinture, d'un côté comme de l'autre, sur toute la longueur. Oh, eh bien ça, par exemple, il n'y a pas à dire tu es capable de travailler quand tu t'y mets, Tom. Dommage que ça soit si rare que tu t'y mettes. La voilà tellement subjuguée par la splendeur de cet exploit qu'elle emmène Tom Sawyer du côté de la resserre, où elle sélectionne l'une des meilleures pommes, puis la lui offre. Tiens. Accompagnant ce geste d'un sermon édifiant sur la valeur et la saveur ajoutée que prend un cadeau lorsqu'il est la conséquence d'un effort vertueux lavé de tout péché. Tom écoute attentivement, mais dès que l'occasion se présente... C'est-à-dire dès que Tante Polly ferme les yeux en invoquant les efforts vertueux... Il en profite pour chaparder un beignet. Si mes calculs sont bons, c'est la deuxième pomme que Tom a remportée en une journée. Mais est-ce qu'il y en aura une troisième? Pas si sûr. Mais en se promenant devant la maison du juge Thatcher, Tom en est venu à faire une découverte qui surpasse de loin les pommes les plus rouges, les plus sucrées et les plus brillantes. Dans le jardin de la maison du juge... Une petite fille que Tom n'avait jamais vue jusque-là. Oh, une charmante créature aux yeux bleus, les cheveux blonds tressés en deux longues nattes, vêtue d'une robe blanche d'été et d'un pantalon brodé. Inutile de vous dire que Tom Sawyer, à la vue de cette demoiselle, est tombé amoureux à l'instant même. Ajoutons même, sans coup faire rire. Hélas, il n'y a pas que des moments joyeux dans la vie d'un aventurier du Missouri comme Tom Sawyer. Il y a aussi des journées difficiles, des calamités, des catastrophes, des déboires et des sortilèges. Citons par exemple la terrible leçon de catéchisme du dimanche matin. Bienheureux sont les pauvres. Ah oui. Bienheureux sont les pauvres. D'esprit. D'esprit. Les pauvres d'esprit. Car le. Bienheureux sont les pauvres d'esprit. Car le royaume des cieux est. Le royaume des cieux est à. À l'endroit. Oh, mais non. À. Apprendre ou à laisser. Oh, voyons, Tom, ne blasphème pas, je t'en prie. Le royaume des cieux est à eux. À eux? Mais à qui? Aux pauvres d'esprit, voyons. Oh, mais Marie, c'est difficile, tu pourrais m'aider un peu. Oh, quelle caboche tu as, mon pauvre garçon. Oh. Tu vas y arriver. Ne te décourage pas, reprends depuis le début. Oh non. Bienheureux sont les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux... Et t'as eu? Je peux manger maintenant? Oui. Il arrive aussi que Tom soit injustement puni. Il faut reconnaître qu'il a plutôt tendance à accumuler les bêtises en une seule journée, du lever au coucher. Si bien qu'il est le premier désigné lorsqu'un biscuit disparaît du placard de Tante Polly. Tom, viens ici que je t'attrape. Mais j'ai rien fait. Hey, voilà pour toi. Ça t'apprendra à chaparder des biscuits. Et pourquoi tu me tapes moi? C'est Sid qui l'a fait. Tu as accusé ton frère? Oui, mais je te jure, je l'ai vu faire. J'ai rien dit, mais je l'ai vu. Ah bon? C'est pas toi? Non. Eh bien, dans ce cas, je dois reconnaître que tu l'as sans doute mérité cette raclée. Il est fort probable que tu aies commis une autre bêtise pendant que j'avais le dos tourné. Non, c'est pas juste. Allez, maintenant file. Et voilà pourquoi il arrive si souvent à Tom Sawyer de s'endormir d'humeur mélancolique et de se réveiller d'humeur morose après une nuit de sommeil ponctuée de cauchemars. C'est particulièrement vrai le lundi matin, parce que le lundi est le prélude d'une nouvelle semaine de lente souffrance à l'école. Tom en vient à se demander s'il ne faudrait pas mieux supprimer le dimanche pour ne pas avoir à retrouver cet odieux lundi. Il ne tarde pas à conclure qu'il préférerait être malade. Après tout, je pourrais rester à la maison au lieu d'aller à l'école. Il y a là en effet un vague espoir. En cherchant bien, pourquoi pas cet orteil abîmé au cours d'une mémorable escalade de pommiers, il y a de ça 3 jours? En regardant de près, on se rend bien compte qu'il n'est pas normal cet orteil. Il est un peu bleu, bleu foncé même, presque noir. Il risque de tomber et un orteil qui tombe, c'est le début de... C'est le début de la gangrène. Non, pas la gangrène. Oh, pas la gangrène. Qu'est-ce que t'as, Tom? Oh, c'est mon orteil. Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça? Ah, t'inquiète pas. J'ai très mal, mais ce sera bientôt terminé. Ne dérange personne. Bientôt terminé? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ferais mieux d'appeler tante Polly. Non, Sid. Je serai courageux jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout de quoi? Au bout de ton orteil? Je te pardonne, Sid. Je pardonne tout ce que tu m'as jamais fait, mais... Mais quand je serai plus... Oh, ne dis pas de bêtises. Aïe, aïe, aïe. Tu vas pas mourir, quand même. Aïe. Tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Tante Polly, il faut faire quelque chose. Tom est mourant. Tom? Oui, oui, oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Ah, je suis en train de mourir de l'orteil. Pardon? Mon orteil est tout mortifié. Mortifié? Oui. Ah. Tu m'as fait peur. Il va très bien ton orteil. Arrête ces bêtises et sors de ce lit. Non, non, non, je peux pas sortir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, ma dent. Ton orteil? Maintenant ta dent? Fais voir. J'espère que tout ce tapage n'est pas fait pour échapper à l'école et aller à la pêche. Pas de blague cette fois. Elle bouge pour de vrai? Bouge pas, je vais te soigner ça. Soigner quoi, tante Polly? Madame? Non, non, écoute, elle va très bien, madame. Elle bouge un peu, mais c'est plus pratique comme ça. Oh. Tout le monde vous le dira, tante Polly connaît mille façons d'arracher une dent de lait. La plus simple, c'est encore d'entourer la dent d'un fil de soie qu'on attache au barreau du lit. Après quoi, il suffit d'approcher un tison incandescent du visage du patient. Et le tour est joué. Voilà. C'était pas la mer à boire, hein? Maintenant, garde précieusement cette dent. Ça peut toujours servir. À quelque chose, malheur est bon. Tom fera figure de héros devant ses camarades de classe. Et il fait envie à tous les garçons qu'il rencontre sur le chemin de l'école parce qu'un trou dans la rangée de dents d'en haut lui permet de cracher d'une manière nouvelle. Et il faut le reconnaître, admirable. Salut, Huckleberry. Salut toi-même, Tom Sawyer. Qu'est-ce que tu racontes? Voici Huckleberry Finn, le jeune vagabond du village. Fils d'ivrogne et voyou en herbe. C'est du moins ce qu'on dit. Et qu'est-ce que tu tiens, là? Hein? Un chat mort. Toutes les mères des alentours le considèrent comme un paresseux et un hors-la-loi. Un garçon vulgaire, volontiers chapardeur. Elle se méfie de lui car la plupart des enfants du village l'admirent. Il voudrait avoir le courage d'être comme lui. Parmi ses admirateurs, vous pouvez compter Tom Sawyer à coup sûr. Il joue avec Huckleberry chaque fois que l'occasion se présente. Fais voir ton chat mort. Eh ben, il est sacrément raide. Hein. Tu l'as trouvé où? L'ai acheté à quelqu'un. Il faut vous imaginer un jeune gamin, vêtu toujours des mêmes vieilles frusques d'adulte. Une floraison permanente de haillons voltants. Son chapeau est une vaste ruine. Son manteau, quand il en porte un, pend le plus souvent sur ses chevilles. Et les boutons dans le dos touchent presque le sol. Une seule bretelle soutient son pantalon. C'est dire s'il pendouille lui aussi et traîne dans la poussière. Dis donc, Huck, ça sert à quoi un chat mort? À quoi ça sert? Je vais te dire, à soigner les verrues. C'est pas vrai, je connais un truc bien meilleur. Je parie que non. C'est quoi? Eh ben, l'eau croupie. Huckleberry ne suit que son libre arbitre. Il dort dans les encoignures de porte quand il fait beau. Et dans une barrique quand il pleut. Il n'est pas obligé d'aller à l'école. Il peut aller pêcher quand ça lui chante et le faire aussi longtemps qu'il le veut. Personne n'est là pour l'obliger à se laver ni à changer de linge. Et quand il se met à jurer, c'est une merveille de l'entendre. De l'eau croupie. Ouais. Tu te fiches de moi? Je donnerais pas un trognon de chou pourri pour de l'eau croupie. Ah ouais? Tu dis ça? Tu l'as déjà essayé? Non, pas moi. Mais Bob Tanner a essayé. Oh, qui t'a dit ça? Eh ben, il l'a raconté à Jeff Thatcher, et Jeff l'a raconté à Johnny Baker, oh. Et Johnny l'a raconté à Jim Hollis, et Jim l'a raconté à Ben Rogers, et Ben l'a raconté à Garçon Vaché. Et le Garçon Vaché me l'a dit, voilà, tu vois. Ouais, ouais, et alors? Ils mentent tous. Disons tous, sauf le Garçon Vaché, lui, je le connais pas. Mais dis donc, comment tu guéris les verrues avec un chat mort? Eh ben, tu prends ton chat... Tu vas au cimetière vers les minuit, le jour où quelqu'un qui était mauvais est enterré. Mmh. Et quand il est minuit, un démon arrive. Ou peut-être deux ou trois, mais de toute façon, on ne peut pas les voir. On entend seulement quelque chose comme du vent. Ou peut-être qu'on les entend parler. Mais quand ils emportent le mort, tu dois jeter le chat après eux en disant Démon après cadavre, chat après démon, verru après chat, j'en ai fini avec toi. Et ça enlève n'importe quelle verru. Oh, ça m'a l'air d'être un bon procédé. Et dis-moi, qu'est-ce que tu caches là dans cette boîte? Oh, ça c'est rien qu'une tique. Une tique vivante? Ouais, je l'ai trouvée dans les bois. Oh, tu me l'échanges? Elle te plaît? Qu'est-ce que tu me donnes? Je te l'échange contre ma dent. À voir, montre. Ça va être petite, mais bon, d'accord. Marché conclu. Top là. Et c'est ainsi que les deux enfants se séparent. Chacun se sentant un peu plus riche qu'auparavant. Inutile de vous raconter les longues heures passées à l'école entre les leçons de calcul et les conversations à voix basse. Disons seulement que ce jour-là, comme ça lui arrive souvent, Tom Sawyer décide de s'enfuir au loin, dans les collines, en profitant de la pause de midi, bien décidé de ne plus jamais retourner à l'école. En tout cas, pas avant demain. Il marche maintenant au hasard des sentiers. Il prend soin de traverser deux ou trois ruisseaux à cause d'une superstition selon laquelle franchir un cours d'eau égare ceux qui vous poursuivent. Encore une demi-heure de promenade et le voilà au cœur d'une forêt dense, loin de tout sentier, sous d'immenses chênes. Pas même un zéphyr dans l'air. La chaleur brutale de midi fait taire tous les oiseaux. La nature tombe dans une sorte de transe qu'aucun son ne vient briser. Sauf peut-être le martèlement sporadique d'un pivert. Le voilà seul, entièrement seul. Et si je leur tournais le dos maintenant? Si je disparaissais une bonne fois pour toutes, mystérieusement? Et si je m'en allais loin, très loin, dans des pays inconnus, au-delà des mers, et n'en revenais plus jamais? Et si je devenais clown, par exemple? Oh non, mauvaise idée! Les blagues... La frivolité... Les costumes à pois rouges... C'est une insulte quand on est un véritable héros comme Tom Sawyer. Non... Mieux vaudrait devenir soldat et revenir à la maison après de longues années, célèbre et usé par les combats. Non, mieux encore. Pourquoi ne pas aller rejoindre les Indiens, chasser le bison, partir sur les sentiers de la guerre, dans les chaînes de montagnes et l'immensité des vastes plaines du Far West? Ouais, c'est ça. Bien des années plus tard, devenu grand chef hérissé de plumes... Le visage couvert de peinture... Il apparaîtrait à l'école du dimanche, un matin ensommeillé d'été... Entonnerait un cri de guerre à vous figer le sang... Et les regards de ses compagnons brûleraient d'une envie inextinguible. Mais non, il existe quelque chose d'encore plus flamboyant que ça. Je deviendrai pirate. Voilà ce qu'il sera. À présent, son avenir s'étend devant lui, éclatant d'une inimaginable splendeur. Son nom se répandra dans le monde et fera frissonner les gens. Il sillonnera glorieusement les mers houleuses. Sur son navire à coque noire, filant bas sur les flots. Brandissant son sinistre drapeau. Et au zénith de sa gloire. Il reviendra un beau jour dans le vieux village. Il fera résonner ses pas dans le temps. Buriner et aller. En pourpoint et culotte de velours noir. En haute botte. Ceint d'une écharpe cramoisie. La ceinture hérissée d'énormes pistolets. Un sabre souillé par les crimes sur une hanche. Et à ce moment-là, tout le monde chuchotera. C'est le temps de guerre, le pirate, le vengeur noir de la mer des Caraïbes. Oui, c'est décidé. Ma carrière est toute tracée. Je partirai dès demain matin. Il suffit de se préparer, rassembler tous mes biens et écrire une lettre d'adieu. À partir de maintenant, Tom Sawyer s'appellera Vengeur Noir, le pirate. Hey, qui va là? C'est moi, c'est Joe Harper. Salut Tom. Je ne m'appelle pas Tom. Je m'appelle Vengeur Noir. Non, Robin des Bois. Tout le monde a le droit de changer d'avis. Qui va là, dans la forêt de Sherwood, sans m'en laisser passer? Je suis Guy de Gisborne, et je n'ai pas besoin de laisser passer. Qui êtes-vous pour... Pour... Pour oser un tel langage? Qui êtes-vous pour oser un tel langage? Combien de fois faudra-t-il te le rappeler? Je suis Robin des Bois. Oh, le célèbre hors-la-loi? Je me ferai un plaisir de vous disputer les sentiers de ce bois. En garde! En garde! Un peu d'entrain, messire! Je vous réserve ma botte secrète! Mais voyons, on tombe! Ouais, bah tombe toi-même! Pourquoi tu tombes pas? C'est toi qui t'en sors le plus mal! Réfléchis deux minutes, je peux pas tomber, je suis Robin des Bois. C'est écrit dans le livre. D'un coup en revers, Robin tua le pauvre Guy de Gisborne. D'accord. Mais après, tu devras me laisser te tuer, hein. Chacun son tour, faut être juste. Ouais, je peux pas faire ça, c'est pas écrit dans le livre. Eh bien, c'est sacrément dégueulasse. Bon, écoute, Joe. Tu pourrais être, disons, frère Tuck, ou bien le fils du meunier. Et me rouer de coups avec un gourdin, là, ça te dit? Tu as un gourdin? Ou alors, je serai le shérif de Nottingham, et toi, tu seras Robin des Bois pendant quelques temps. Robin des Bois? Je veux bien. Comme ça, tu pourras me tuer. C'est équitable. Un mort partout. Marché conclu. En attendant, je suis Robin des Bois. Alors, en garde. En garde. Sachez que dans l'heure qui suit, Tom Sawyer a le temps de devenir tour à tour frère Tuck, petit Jean, un adjoint du shérif, puis à nouveau Robin des Bois, assassiné lâchement par un traître. Aïe! Ah, je suis touché. Je vais mourir. Vous m'enterrez au fin fond de cette forêt. Adieu! Adieu! Aïe! Aïe! Hé! Tu es mort? Pourquoi tu te relèves comme ça? À cause des orties. Viens, on s'en va, il est tard. En effet, le jour commence à décliner. Les garçons se rhabillent, dissimulent leur attirail. Tiens, donne-moi ton épée, là. Je vais la cacher derrière l'arbre. Comme ça, on la récupérera demain. Puis s'en vont, en se plaignant du fait qu'il n'y a plus de véritable hors-la-loi. Et en se demandant ce que la civilisation moderne pourrait offrir pour compenser cette perte. De retour au village, épuisé par toutes ces aventures, Tom Sawyer et son ami Joe Harper déclarent d'un commun accord qu'ils préféreraient être un hors-la-loi perdu toute une année dans la forêt de Sherwood que président des États-Unis. Eh, à demain. Ouais, pour de nouvelles aventures. C'était... Les aventures de Tom Sawyer, de Mark Twain. Traduction de Bernard Hopfner. Adaptation de Pierre Sange. Rémi Goutelier, Marie Spoul, Ingrid Jolin, Éléonore Simon. Murani Kovacs, Alexandre Aubry, Emilien Gobard, Nicolas Gonzalez. Cécilia Cara, Caroline Breton, Virgile Fouillou. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Philippe Bredin et Dimitris Capolan. Assistant, Fabrice Lègle. Réalisation, Myron Meyerson. Les aventures de Tom Sawyer ont paru aux éditions Tristram. Ça recommence, comme tous les jours, à l'école. Les aventures de Tom Sawyer, de Mark Twain. Nous avons déjà fait connaissance avec Tom Sawyer. Un jeune garçon si curieux de découvrir le monde au-delà du fleuve Mississippi qu'il en vient chaque jour, ou presque, à faire l'école buissonnière. Traduction de Bernard Hopfner, adaptation de Pierre Sange. Nous avons fait connaissance avec sa tante Polly. Sa cousine Mary. Son frère, Sid. Sur qui Tom aime parfois lancer des mottes de terre ou des œufs frais. Nous avons aussi fait connaissance avec Huckleberry Finn. Un sacré énergumène. Que certains, au village, considèrent comme un mauvais garçon. mais que Tom aime comme l'un de ses meilleurs amis. Nous avons vu Tom peindre une clôture, gagner deux pommes, tomber amoureux de la fille du juge Thatcher, simuler la maladie, perdre une dent de lait. Nous l'avons entendu discuter avec son ami Huckleberry de la meilleure manière de faire disparaître les verrues. Il y a quelque chose d'étrange chez lui. C'est un garçon débordant d'énergie et d'appétit de vivre, mais il devient parfois profondément mélancolique. Personne ne m'aime, non. Personne. Décidément. Pas même Becky. Quand j'arrive vers elle, elle me tourne le dos en levant le nez en l'air. Je lui ai même offert une poignée de porte en cuivre. Becky ? Bah oui, Becky. Becky Thatcher, c'est la fille du juge. Tom Sawyer est tombé amoureux de cette demoiselle dès le jour où il a aperçu pour la première fois les mèches de ses cheveux blonds. Je fais de mon mieux pour m'entendre avec tout le monde. Je suis plutôt un bon camarade et tout le monde me repousse. On dirait qu'ils veulent que je débarrasse le plancher. Eh ben si c'est comme ça, je débarrasse. Je m'en vais. Hein ? Oh, c'est le chien de Frankie Miller. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi ? T'es tout seul, toi aussi, hein ? T'es triste, hein, c'est ça ? Tu te sens abandonné. Becky ? Et encore, t'as de la chance, hein, toi. Tu vas pas à l'école. C'est un cauchemar, si tu savais. Moi, je m'en vais. J'en ai assez des coups de fouet, tu comprends ça? Écoute-moi. Tu leur diras, toi, aux gens du village, d'accord? Tu leur diras que je n'ai pas le choix. Je quitte l'école. Je m'en vais sur les grands chemins. La vie d'écolier n'est pas faite pour moi, tu comprends? Il me reste à vivre une vie de criminel. Allez, file, mon chien. Va leur dire adieu de ma part. Moi, je m'en vais vers mon destin. Et la première personne que je croiserai sur mon chemin sera la première victime de Tom Sawyer, le bandit du Missouri. Tom ! Et qu'est-ce qui te prend de parler au chien de Frankie ? Tu sais pas qu'il est devenu sourd ? Voici Joe Harper, l'alter ego de Tom Sawyer, son grand camarade. À la vie, à la mort. Lui aussi semble vouloir faire l'école buissonnière ce matin. Il y a des jours comme ça. Salut Joe. Salut. Tu sais, j'en ai vraiment ma claque de l'école. Les coups de fouet du maître, les livres de grand-mère, la cloche à tout bout de champ. Je te comprends. Moi aussi, j'en ai ma claque. Tu sais quoi? Ma mère m'a fouetté. C'était sévère. Oh la vache. J'aurais mangé toute la crème, soi-disant. Il faut fuir l'injustice cruelle de ce monde sans pitié et affronter les grands espaces où nous devrons souffrir et mourir. C'est ça, c'est exactement ça. Les grands espaces, souffrir ou mourir. Non, souffrir et mourir. Et mourir, d'accord. Joe, tous les deux, on est comme des frères. Ouais, frères de sang. On s'épaule jusqu'à ce que la mort nous libère de nos tourments. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La mort nous libère de nos... De nos quoi ? Nos tourments, Joe. Alors c'est dit, on s'épaule. On s'épaule. On est comme les deux doigts de la main. Les deux doigts de la main qui s'épaulent. C'est ça. Et maintenant qu'on est sur la route, il nous faut un plan. Oh, je sais. On va devenir ermite. On va vivre de croûtons de pain dans une grotte. Et on va mourir à un moment ou à un autre. Mourir de quoi? De croûtons de pain? De tout ce qu'on veut. De froid, de faim, de chagrin. Bah dis-moi, c'est une bonne idée, là, la grotte, les croûtons et tout ça, mais réfléchis deux minutes. Criminel, c'est tout de même beaucoup mieux qu'ermite. Rien ne nous empêche d'aller dans une grotte, mais une fois dans la grotte, oublions les croûtons de pain. J'oublie les croûtons ? Bah ouais, les vrais grands criminels, ils mangent de la brioche. De la brioche ? Oh, Seigneur ! Tu sais quoi ? On va aller chercher Huckleberry. Oh, bonne idée ! Trois miles en aval de St. Petersburg, là où le Mississippi mesure plus d'un mile de large, se trouve une île longue, étroite et boisée, avec un mince banc de sable. Cette île est l'endroit idéal pour se réfugier quand on envisage une carrière de pirate. Personne ne l'habite, elle est suffisamment loin, presque sur la rive opposée, face à une forêt dense et très peu fréquentée. C'est tout réfléchi. On va s'installer sur l'île Jackson. T'en penses quoi, Huck ? Il y a un petit radeau, 2 miles en amont du village. On n'a qu'à s'en servir. Et il faut ramener des provisions. Et des munitions. Des cannes et des hameçons. On va vivre de notre pêche. On sera autonome. Je croyais qu'on serait dehors la loi. Ouais. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et qui ça? Les gens du village. Bon allez, rendez-vous du côté du radeau, hein, avec des provisions. Mmh. Ramenez tout ce que vous pourrez. Et d'ici là, motus et bouche cousue. Ouais. À quelle heure on se retrouve? À ton avis, quelle heure? Minuit, l'heure des brigands. Qui va là? Chut, pas si fort. La chouette, c'était toi? Oui, c'est moi. C'est notre code de ralliement, t'as oublié? Non, mais la chouette, je sais pas trop faire. Mais la grenouille, je sais faire. Hein. Ouais. De toute façon, c'est pas la grenouille, c'était la chouette qu'on avait dit. C'est pourtant simple, tu prends tes mains comme ça et tu siffles sur les pouces. C'est Huckleberry. Je suis là. Bon, tout le monde est là. Regardez, j'ai un jambon au cul. Mmh. Attends, il faut faire les présentations. Je suis Tom Sawyer, le vengeur noir de la mer des Caraïbes. Nommez-vous. Huckleberry, les mains rouges. Joe Harper, la terreur des mers. Bon, c'est bon, fais voir le jambon maintenant. Hey. Regarde comme il est beau. Ça, c'est du jambon. J'ai déjà faim, moi. Il y a un sentier sous le promontoire. Vous me suivez? On te suit, Huckleberry, les mains noires. Les mains rouges, J'ai du lard. Et moi, un poêlon. Et des épis de maïs. Bon, c'est bon, on a de quoi tenir. Dis, vengeur noir, qu'est-ce qu'on fait si un ennemi se montre? Pas de pitié, on plonge notre arme jusqu'à la garde. Jusqu'à la garde, bonne idée. Chut, silence. Non, fausse alerte, on continue. Prudence, hein, on sait jamais. Vous me suivez toujours? C'est par là. Voilà, on est arrivé. Attention. Attends. Ouais. Le jambon d'abord, le lard ensuite. Les épées, les sabres, les pistolets. Et les épis de maïs. Attention. J'ai un peu de mal de mer. Ça aurait été chouette, un peu de mélasse. Ah bon, pirate ne mange pas de mélasse. Ah bon. Bon, tout le monde en place à présent. Ouais. Huck, à l'aviron de queue. Ouais. Joe, à l'aviron avant. Ouais. Moi, je tiens les commandes. Okay. Est-ce que tu vas faire? Je me tiens là, tu vois, au milieu du radeau. Et je croise les bras et je donne les ordres. Tout le monde est prêt? Ouais. Droit devant. Eh bien, capitaine, j'ai mal de mer. Quelle voile avons-nous? Basse voile, huniers et phoque volant, capitaine. Hissez les cacatois! Au boulot dans la mâture. Ouh. Une demi-douzaine d'entre vous, bonnette de petits mains, un peu de nerf. Déployez ce grand perroquet. Barre sous le vent, bâbord toute. Bâbord, j'ai dit bâbord. Oui. Tout droit à présent. Allez les gars, un peu d'effort encore. Allez, filez. Voilà. Filez, moussaillon. Les eaux du fleuve ne sont pas si hautes à cet endroit, de sorte que le courant n'est pas supérieur à 2 ou 3 nœuds. Le radeau passe lentement devant le village qui semble bien lointain. Seules 2 ou 3 lumières scintillantes indiquent où il se trouve. Paisiblement ensommeillé, au-delà de la grande étendue d'eau cloutée d'étoiles. Tout le monde au bourg ignore le grand événement qui est en train de se produire. Le capitaine Sawyer jette un ultime regard sur la scène de ses dernières joies et de ses récentes souffrances. Il aurait aimé que Becky, la fille du juge Thatcher, puisse le voir maintenant. Exposée au milieu d'une mer déchaînée. Regardant droit dans les yeux les périls et la mort avec un cœur intrépide. Fonçant vers sa perte, un regard désabusé aux lèvres. Tom, qu'est-ce que tu fabriques? Je jette un ultime regard sur la scène de mes dernières joies. Ouais, ça fait un moment que tu donnes plus d'ordre. Le courant nous emporte. Si on ne fait rien, on risque de rater l'île. Ah non. Ah, bon sang, allez les gars. Souquet ferme. Il faut pas la manquer. Ouais, et capitaine, tu pourrais pas souquet ferme avec nous, non? Allez, nous saillons. Les gars, ça fait du bien de manger après avoir bravé les océans. Ouais. Et on a fini la moitié de notre stock de pain. On verra demain les questions d'attendance, il fera jour. Bien, capitaine. Ouais, c'est chouette, non? C'est génial, tu veux dire? Oh, qu'est-ce qu'ils diraient les autres s'ils nous voyaient? Ils mourraient d'envie d'être avec nous, pas vrai? Hey, je te crois, ça c'est la vie idéale. Personne pour venir nous embêter. Hé, il reste du lard, quelqu'un en veut? Ouais, moi je veux bien. J'ai faim. Ah, pas besoin de se lever le matin, pas besoin d'aller à l'école, de se laver et toutes ces satanées bêtises. Ouais. Tu vois, Joe, un pirate n'a rien à faire une fois à terre. Ouais. Alors qu'un ermite, lui, doit prier tout le temps. Puis il s'amuse jamais, il est toujours tout seul. Ouais. T'as raison, il n'est jamais tellement réfléchi, tu sais. Maintenant que j'ai essayé, je préfère de loin être un pirate. Ouais, les gens s'intéressent pas trop aux ermites de nos jours. Ouais. Tandis qu'un pirate est toujours respecté. Ça, c'est la pure vérité. Je connais pas un pirate qui soit pas respecté, même avec une jambe en moins. Et puis les ermites doivent dormir à l'endroit le plus dur qu'ils connaissent. Et puis s'habiller d'un sac et se couvrir la tête de cendre. Et puis rester sous la pluie. Eh, pourquoi s'habiller d'un sac et se couvrir la tête de cendre? Je sais pas. Les ermites font toujours ça. Ouais, bah très peu pour moi. Et alors, tu ferais quoi? Je sais pas, bah moi je serais pas ça, voilà. Tu serais obligé? Comment faire autrement? Eh ben, je supporterais pas, c'est tout. Je ficherais le camp. Tu feras un joli ermite, tiens, bien avachi. Tu serais la honte de la profession. Et alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les pirates? C'est la vie de château. Ils prennent des navires à l'abordage et ils les brûlent. Ils prennent l'argent et l'enterrent dans des endroits effrayants sur une île. Là où il y a des spectres pour le garder. Et ils massacrent tout le monde sur les bateaux. Et puis, les habits qu'ils portent, faut voir ça. Rien que de l'or et de l'argent. Et des diamants. Moi, je crois bien que je suis pas habillé comme il faut pour être un pirate. J'ai rien d'autre que ces vieux machins, là. T'en fais pas, Les beaux habits, ça viendra. Tu crois? J'en suis sûr, ça viendra avec la gloire. Pour l'instant, les guenilles, c'est parfait. Bon, moi, je crois que je vais dormir. Debout, c'est l'heure. Mais l'heure de quoi, là? L'heure d'être pirate. Je croyais qu'un pirate, il se levait quand il voulait. Allez, debout. On n'est pas devenu pirate pour moisir, mais pour agir. Ouais, on pourrait manger. Manger, c'est un peu agir, non? Ouais. Tiens, regarde. Attends, il reste du lard, un peu de maïs. Moi, ça fait une heure que je suis debout. Ouais, j'ai vu des tas de choses. Alors, qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu le miracle de la nature. Le miracle de la nature, qu'est-ce que c'est? J'ai vu un pivert vert, une chenille verte, des fourmis, une coccinelle, un oiseau-chat, un cardinal pourpre. Un écureuil aussi. Mmh. Et une sorte de gros machin, peut-être bien un renard. Il y a des renards par ici. Je propose de prendre les cannes à pêche là, et d'aller vers la petite anse. Je sais pas s'il y a des renards sur l'île, mais il y a des perches dans le fleuve. Ah, ça c'est certain, il y a des perches et même des poissons-chats. Parfait pour la question du ravitaillement. On en aura besoin. Parce qu'il faut que je vous dise une chose. Ouais. Je suis allé voir notre radeau ce matin. Et ben quoi, qu'est-ce qu'il a notre radeau? Il a disparu. C'est pas une blague? Non, c'est vrai. Ça, c'est de la chance. Ouais, il a été emporté, je suppose. On est maintenant seul sur l'île. Tout seul. Comme de vrais pirates. Yes. Bon, Huck, tu t'occuperas du ravitaillement en eau. Okay. Joe, tu t'occuperas de la pêche. Ah ouais, et toi? Moi? Moi, je... Oh. Moi, j'entretiendrai le feu. J'établirai les plans de notre de notre vaillante entreprise. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Je me demande. Allons voir. C'est pas le tonnerre, ça. Ça vient du fleuve. Oh, regarde, là. Où ça? Là, au bout de mon doigt. Approche un peu ton doigt. Ouais. Non, attends, je le vois aussi. C'est le petit bac à vapeur. Il vient du village. Dis donc, il y a du monde sur le bac. Ouais, il y a des canaux autour. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Un sacré nombre de canaux. Et qu'est-ce qu'ils fabriquent? J'ai compris. Quelqu'un s'est noyé. Comment ça? Si, si, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont fait pareil l'été dernier. Il y a eu un petit garçon qui s'est noyé. Alors, il tire le canot au-dessus de l'eau et il fait remonter le corps à la surface. Oh, j'aimerais bien être là-bas avec eux. Ah, bah, moi aussi. Je donnerais cher pour savoir qui s'est noyé. Mais vous n'avez pas compris? Quoi? Moi, je peux vous le dire. C'est nous. Hein? T'es sûr? Bah, qui ça pourrait être d'autre? Bah, mais alors... On est des héros! On est des héros. On est des héros. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Pour les canapés? Ouais. Et voilà comment les pirates Tom, Joe et Huckleberry sont devenus de véritables héros. Le triomphe est complet. Les gens du village ont remarqué leur absence. Ils portent déjà le deuil. Et chacun pleure la disparition de trois jeunes garçons remarquables. Des cœurs se brisent à cause d'eux. Et peut-être que Becky Thatcher, la fille du juge, est en train de verser une larme dans l'un de ses mouchoirs blancs. Il est possible qu'à l'heure où les trois pirates font cuire leur dernier morceau de lard, ils deviennent au village le sujet de toutes les conversations. Du poisson lardier, c'est vachement bon. Les gars, en ce moment même, on est en train de gagner une sacrée notoriété. Ouais. Ouais. Une notoriété. Ouais, une notoriété. Ouais, mais dis donc, ça c'est bien les notoriétés. C'est chouette, non? Moi, j'ai toujours voulu en avoir une de notoriété. Oui, ça valait la peine d'être devenu pirate en fin de compte. La gloire arrive plus tôt que prévu et tant pis s'il a fallu mourir pour cela. Le soir venu, les pirates fêtent leur triomphe par un délicieux repas de poisson frit. Mais comme les ombres de la nuit les emprisonnent, ils cessent peu à peu de parler et se contentent de plonger le regard dans les flammes de leur bivouac. Leur esprit vagabonde en silence. Sans doute pensent-ils maintenant à ceux qui, au village, pleurent du chagrin d'avoir perdu leur petit garçon. Les minutes passent sans dire un mot. Les trois pirates se demandent s'il ne serait pas bon un jour de revenir à la civilisation. Puis, sans trouver de réponse à cette question, ils sombrent dans le sommeil, l'un après l'autre. Tout le monde dort. Enfin, presque tout le monde. Joe, réveille-toi. Mais laisse-moi dormir. T'as vu ça? On est tout seul. Tom nous a laissé tomber. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible. Tom est un copain, un vrai de vrai. Il reviendra. C'est pas un déserteur. Il sait que ce serait déshonorant pour un pirate. Il est trop fier pour risquer ce genre de choses. Mais il est pas là pourtant. J'ai cherché partout. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, il a une idée en tête, c'est tout. Quel genre d'idée? Je sais pas. Une idée, c'est sûr. Hein? Et s'il revenait jamais? Eh ben, peut-être que... On aurait le droit de se partager ses affaires. Oh, mais... Ouais. Tiens, toi tu prends son couteau. Oui. Et moi son arc. Ça marche. Ça va? Oui. Oh là, vous deux. Oh. Laissez mes affaires. Hé, hey, Tom. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis un pirate. Je suis pas une poule mouillée. Je n'allais pas vous laisser tomber. Je te l'avais bien dit. Et puis t'es où? Je suis allé jusqu'au village. Au nageant? Ok. Ouais. Ça m'a pris une partie de la nuit. J'ai nagé à contre-courant. J'ai remonté par la berge jusqu'au petit vapeur. Ouais. J'ai grimpé dedans avant le dernier départ. Et je me suis fait reconduire, mine de rien, jusqu'au village. Pourquoi faire au village? Pour savoir, pour espionner. J'ai été un parfait pirate, vous pouvez me croire sur parole. Voir sans être vu, écouter sans être entendu. Je suis allé jusqu'à la maison de tant de police sans croiser personne. Il a fallu ramper, je peux vous le dire. Je suis passé tout doucement jusqu'à l'arrière de la maison. Les fenêtres du bas étaient éclairées. Je me suis approché encore et alors, là, j'ai vu tant de... Qu'est-ce qui fait bouger la flamme de la bougie? Il y a un courant d'air? Sid, va fermer la porte. Oui, tante Polly. Il se passe des choses étranges ce soir. Non, comme je le disais, Tom n'était pas méchant, tout juste un peu espiègle. Jamais je n'ai connu un garçon ayant aussi bon cœur. Oh, tout pareil avec mon Joe. Toujours à ses bêtises, mais si gentil. Quand je pense que je l'ai fouetté pour avoir mangé la crème, mon Dieu. Oh, il ne pourra plus me pardonner maintenant qu'il est mort. Je comprends ce que vous ressentez, Mrs. Harper, croyez-moi. Oh, mon Joe, il nage bien d'ordinaire. Comment il a pu se noyer, selon vous? Ce que je me demande, c'est ce qu'ils ont fait avec le radeau. Le radeau? On l'a retrouvé échoué sur la rive du Missouri à 5 ou 6 miles en aval. Oh, pour moi, ils ont dû se noyer au milieu du fleuve, sinon on les aurait déjà retrouvés. Le pasteur dit que si on ne retrouve pas les corps d'ici dimanche, il y aura une cérémonie. Sans eux? Oui, sans eux. Le bon Dieu comprendra. Pauvre Tom. Le Seigneur donne et le Seigneur reprend. Amen. Oh, je ne le reverrai plus maintenant. Et la dernière fois, je n'ai plus lien, justement. Je comprends ce que vous ressentez, Mrs. Harper. Pas plus tard qu'hier, à midi, voilà que mon Tom a renversé le pot de confiture. Et que Dieu me pardonne, je lui ai flanqué une douce rose. C'est comme je vous le dis, j'ai pu tout entendre, comme si j'y étais. C'était rudement instructif. Après, j'ai fait le chemin dans l'autre sens. Oui. Maintenant, approchez-vous. Oui. Écoutez-moi. Oui. D'accord. J'ai un très grand secret à vous confier. J'ai un plan. Un plan? Un plan? Ouais. Un plan du tonnerre. Moi, je me souviens. Tom était assis devant la clôture en train de peindre. Je lui ai donné ma pomme. Moi, une fois, c'était devant la maison du juge Thatcher. J'ai reçu une gifle de Tom Sawyer. Ouais, parfaitement. Et même tu l'as raconté. C'est rien. Moi, il m'a donné un coup de poing. On voit encore la marque. Tiens, regarde. Attends, tu sais quoi? Je me demande si c'était pas 2 gifles, même. Et l'autre fois, j'ai discuté avec Tom juste là, sous l'arbre. C'est vrai. Moi aussi, j'ai discuté avec Tom. Non, mais attends, mais moi, j'ai parlé plus d'une fois avec Tom. Alors, je crois bien que c'était moi, son meilleur ami. Bon, son meilleur ami, il t'a donné un coup de poing. Et alors, il t'a bien donné une gifle? Bah, non, 2 gifles d'abord. Oui, ben, je peux te dire un truc. En tout cas, nous, on a parlé des milliers de fois. Peut-être. Mais moi, c'était le jour avant sa mort. Oh. Sans blague. Ouais. Ok, mais moi, je peux vous dire une chose. Le dernier à l'avoir vu vivant, eh ben, c'est moi. Je croyais que c'était Sam de Noël. Mais Sam, il l'a vu à midi. Moi, je l'ai vu à 1 heure. Ah, vous voyez. Ah, vous voyez. Je suis la résurrection et la vie. Le Seigneur nous a rassemblés dans sa maison ce matin pour dire un dernier adieu à Tom Sawyer, Joe Harper et Huckleberry Finn. Leur visage est dans nos mémoires, leur corps repose quelque part dans le lit du fleuve, mais leur âme est désormais auprès de l'Éternel. Amen. En cette heure particulièrement tragique, je vous demande de prier pour le salut de leur âme et pour le réconfort de Polly Miller, Martha et Frank Harper, ainsi que pour tous les amis et les proches de Huckleberry Finn, cet orphelin qui maintenant repose dans les bras de notre Père à tous. Souvenez-vous, mes frères et mes sœurs, souvenez-vous de ces 3 enfants qui, au cours d'une vie bien trop brève parmi les anges du ciel, il y en a un qui veille tout particulièrement sur nos enfants. Et cet ange, notre Seigneur, souvenez-vous, je suis la résurrection et la vie. Le Seigneur nous a rassemblés dans sa maison ce matin pour dire un dernier adieu à Tom Sawyer. Tom? Joe Harper. Joe! Et Huckleberry Finn, qu'est-ce que vous faites là, tous les 3? Tom, mon garçon! Oh, Joe! Ils sont vivants! Tom, viens dans mes bras, mon petit! Oh, Tante Polly! Tante Polly, Huckleberry est tout seul dans son coin. Personne n'est là pour le serrer dans ses bras, c'est pas juste. Tu as raison. Viens par là, Huckleberry. Laisse-moi t'embrasser. Ah. Tu es un brave garçon, toi aussi. Eh, si je suis un brave garçon, je reste quand même un vaillant pirate. Ocho, viens là. Tu mériterais une calotte. Tu as fait pleurer ton père. Mais ce n'est pas le jour. On verra demain. Allez, Joey. Mon chéri, embrasse-moi. quel état tu as mis tes pantalons? Eh bien, remercions notre Seigneur de ce miracle, de tous les bienfaits qu'il nous accorde, et chantons, chantons, mes frères et mes sœurs, à la gloire du Seigneur. J'avais bien dit, hein. Revenir au village et réapparaître le jour de son propre enterrement, c'est quelque chose, hein. Maintenant, on est des vrais pirates. Exactement. Tu penses qu'ils vont nous donner une notoriété? Mais une chacun, ce serait bien. Va savoir. C'était... Les aventures de Tom Sawyer, de Mark Twain. Traduction de Bernard Hoffner. Adaptation de Pierre Sanche. Rémi Goutalier, Alexandre Aubry, Caroline Breton, Marise Poul, Josette Stein, Émilien Cobard, Sylvain Dieuhel, Françoise Cousin, Mustapha Abourachi, Ingrid Jolin, Éléonore Simon, Lorani Kovacs, Sophie Buis, Fabrice Letou, Michel Baladi, Vincent Farras, Judith Morand, Patrice Bertand, Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Philippe Bredin et Dimitri Scapolan. Assistant, Fabrice L'Aigle. Réalisation, Myron Meyerson. Les aventures de Tom Sawyer ont paru aux éditions Tristram. Les aventures de Tom Sawyer, de Mark Twain. Traduction de Bernard Hoffner, adaptation de Pierre Sanche. Les aventures de Tom Sawyer se déroulent, ne l'oublions pas, au bord du Mississippi. Mississippi. Ouais, bon, vers 1840. À cette époque, on se déplace encore à cheval. On s'éclaire à la bougie. Il n'y a ni radio ni automobile et le chemin de fer vient tout juste d'être inventé. C'est une époque où l'on prie le bon Dieu chaque soir avant de se coucher. Notre père. Pourvu qu'il y ait des poissons demain à la rivière. Et où les rumeurs les plus extravagantes courent au sujet de fantômes et de feux follets, de sorcellerie et de diables. On respecte toutes sortes de superstitions de peur d'être frappé par la foudre. Tom Sawyer lui-même a appris à lancer du sel par-dessus son épaule gauche si par malheur il en renverse sur la table. Quand un chien hurle à la mort, Tom fait le signe de croix. Quand il croise un chat noir, il prononce une formule magique. Ratafia, ratafiole, et demain pas d'école. On aurait pu vous raconter comment Tom Sawyer est devenu un chef indien et un véritable pirate. Comment il a chapardé un beignet. Fumé sa première cigarette. Toussé abondamment. Renoncé au tabac. On aurait pu vous raconter comment il est parti dans les montagnes loin du fleuve pour devenir chercheur d'or. Mais le temps nous manque pour raconter toutes ces aventures. Pour l'instant, écoutons plutôt dans quelles circonstances Tom Sawyer et son compère Huckleberry Finn sont allés visiter un cimetière au beau milieu de la nuit. Tout commence au fond d'un lit. Chut! Nous voici dans la chambre de Tom Sawyer, au premier étage de la maison de Tante Polly. Si vous tendez l'oreille, vous entendrez une profonde respiration. Ou plutôt deux. Écoutez bien. Dans la même pièce, Sid, le frère de Tom, est lui aussi en train de dormir. Parfois, quand la nuit est calme, on parvient à entendre au loin les ronflements de Tante Polly. Dans son lit, quelqu'un s'agite. Ça doit être Tom. Il a toujours été un garçon instable. Seulement 10 heures. Hé, Sid, tu dors? Je dormais, je dors plus. Pourquoi tu m'as réveillé? J'arrive pas à dormir et toi tu ronfles comme Tante Polly. Je ronfle pas, c'est pas vrai. D'ailleurs, Tante Polly non plus ne ronfle pas. Elle ronfle pas? Bah, tu vas voir. Tais-toi donc une minute et écoute. Tu vois bien que... L'horloge, je crois. Et ça, qu'est-ce que c'était? Je sais pas, Sid. Sid, tu es là? Oui. T'as peur? Non. Et toi? Non plus. Tu n'as pas peur du tout? Je crois pas, non. Et toi? Qu'est-ce que c'est? Sid, je sais pas si on va s'en sortir vivant. Et se sortir vivant de quoi? De cette nuit. En tout cas, moi, je sors pas de mon lit. Moi non plus. Tom, écoute. C'est le diable. Mais non. C'est pas le diable, tu crois? C'est quoi alors? Un chat? C'est Huck. C'est Huckleberry Finn. Continue de dormir comme tu le faisais. Moi, je m'en vais. Tu n'as pas le droit, Tom. Je vais aller réveiller Tante Polly. Tu ferais mieux pas. Il y a peut-être un démon dans le couloir et un autre dans les escaliers. Tu l'entends respirer? À mon avis, tu ferais mieux de rester au lit. Tom, ne me laisse pas tout seul. Quoi? Où tu nous emmènes? Au cimetière, c'est un coin chouette où aller la nuit sans être embêté par personne. Le cimetière? Dis pas que t'as peur. Peur, moi? Allez. Non, non. Bonne idée, au contraire. Tu crois que les morts apprécient notre présence ici? J'aimerais bien le savoir, c'est terriblement solennel, je dirais. Oh, ça, tu peux le dire. Oh, tiens, regarde. C'est la tombe à Benny Williams. Hein? Tu crois qu'il nous entend parler? Son esprit nous entend. Peut-être que t'aurais dû dire Mr. Williams. Ouais, t'as raison. Faut faire gaffe à la façon qu'on parle des morts. Hein. Mmh. Chut. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu? Non. Tiens, encore. T'entends pas? Seigneur, Tom, ils arrivent, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Tu crois qu'ils peuvent nous voir? Les fantômes peuvent voir dans le noir. C'est comme les chats. Il faut surtout pas bouger. Mettons-nous là, derrière cette tombe. C'est la tombe à Jeffrey Miller. Oh, ça va. Jeffrey a toujours été un chic type. C'est quoi cette lumière? Un feu follet. Bouge surtout pas. C'est des diables, c'est sûr. Ils sont trois diables. Ils viennent vers nous. C'est rien, c'est Tom, ça. Tu connais une prière? Je reconnais des tas, mais pas pour les diables au cimetière. S'ils s'approchent trop, tu fais le signe de croix. Attends. C'est pas des diables. C'est des humains. C'est là, là-bas. C'est la voix de Stanley Potter. Tu crois? Je sais ce que je dis, c'est lui, c'est sûr. Regarde, il est complètement bourré comme d'habitude. Oh, il s'approche par là. C'est qui les deux autres? Je sais pas. Suivez-nous, Mr. Robinson. Bon sang, je reconnais un. C'est Joe. Qui ça, Joe? Joe l'Indien. Hein? C'est vraiment lui. Mais dis-moi, Ce Joe l'Indien, c'est pas le plus grand bandit du comté? Ouais, c'est ça. J'aurais préféré un diable à la place. On bouge pas d'ici. Le troisième gars, tu le reconnais? Allez, c'est ici. Oh, Docteur Robinson. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Je sais pas. Ils ont des pelles. Allez. Oh. Oui, c'est bien lui. Oui, c'est le docteur Robinson, je le reconnais, c'est vrai. Pourtant, la lune peut se montrer d'un moment à l'autre. Nothing else to do. La ferme, dis-moi. Ouais. Chanter, ça me donne du courage. C'est fatigant de creuser. Dépêchez-vous. C'est vrai que c'est fatigant de creuser. Vous devriez nous donner un coup de main, docteur. Vous êtes payé pour ce travail, alors taisez-vous et creusez. Drôlement fatigant, même. Hein, Stanley? Nothing else to do. Ça, je peux te dire, Joe. Regarde mes mains. Passe-moi ton couteau, Stanley. Et pour quoi faire? Tu vas voir. Ah, j'ai un coup de barre. Je m'assois. Docteur, je crois bien qu'il va nous falloir $5 de plus. Rien à faire, on est quitte. On est quitte? Tu oublies que tu as toujours une dette envers Joe l'Indien? Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Et fais ton travail et te mêle pas du reste. Quelle bande de pouilleux, un Indien et un ivrogne qui a tellement bu, qui s'est endormi sur sa pioche. Je vais te montrer qu'un Indien et un ivrogne valent mieux qu'un docteur. Il y a 5 ans, tu m'as chassé alors que j'étais venu te demander ton aide. J'étais pauvre, j'avais plus un sou. Tu m'as accusé de vouloir faire un sale coup, puis tu m'as fait mettre en prison pour vagabondage. C'est une vieille histoire, ça. Quoi, qu'est-ce que tu veux de plus? $5? Bon, bah alors les voilà, tes dollars. Psst. Tes dollars ne valent rien. Il y a 5 ans, j'ai juré de te faire payer, même si je devais attendre 100 ans. Tu aurais dû savoir qu'un Indien n'oublie jamais. Qu'est-ce qui se passe? Tu crois me faire peur avec ce couteau d'ivrogne? Ça va mal pour le docteur. C'est pas attendre, tu l'as dit. Je le connais, Robinson. Il sait se défendre. Regarde. Oh non, c'est pas vrai. Le docteur est touché. Tu crois qu'il est mort? Je sais pas. En tout cas, il bouge plus. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Regarde. L'Indien récupère le couteau. Il va pas le laisser là. Attends. Il le met dans la main de Potter. Stanley, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Joe? Le cimetière? Le docteur? Qu'est-ce qui est arrivé au docteur? Mon Dieu, Joe! Mais il est mort! C'est quoi tout ça? Ah, c'est une sale histoire. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi j'ai fait quoi? Alors, regarde ton couteau. Mais Joe, je comprends pas. J'ai trop bu, Joe. Voilà, j'ai plus toute ma tête, j'ai dû... Je ne sais plus. Mais c'est ça. T'as plus toute ta tête. Tu te souviens plus de rien. Plus de rien, non? Tu étais ivre. Et tu savais plus ce que tu faisais, tu comprends? Oui, mais c'est moi qui ai fait ça. Je voulais pas. Sur mon âme et mon honneur, je ne voulais pas. Alors dis-moi comment ça s'est passé. Bah, vous vous êtes battu. Hein? Tu as sorti ton couteau. Oh mon Dieu, je voulais pas. Et tu t'es jeté sur lui et tu as... Tais-toi. Tais-toi, tout ça, c'est à cause de ce maudit whisky. Ne me trahis pas, Joe. Dis que tu ne le raconteras à personne. Je dirai rien. T'as toujours été honnête avec moi. Je te dois ça. Un shit type, Joe. Merci. Merci. Hé, hey, oh, c'est pas le moment de chialer. Tu t'en vas de ce côté et moi de l'autre. À partir de maintenant, on se revoit plus, compris? Compris, Joe. Je m'en vais. Bonne chance. Bonne chance, mon vieux Stanley. Ils sont partis. Qu'est-ce qu'on fait? Partons d'ici le plus vite possible. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Si le docteur est mort, ça va se terminer par une pendaison. T'en es sûr? Ça, c'est couru d'avance. Et qui va parler de tout ça? Non? Surtout pas. Suppose qu'on dise ce qu'on a vu et que Joe l'Indien, eh ben il n'est pas pendu. Eh ben il nous tuera à un moment ou à un autre aussi facilement que je croque une pomme. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. si quelqu'un doit parler, que Stanley Potter le fasse. Hein. Il est assez bête pour ça. Hein. Mais Potter ne pourra rien dire. Il était ivre mort. Il croit que c'est lui l'assassin. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Huck, tu es sûr que tu peux la boucler ? On est obligé de la boucler. Ouais. Joe l'Indien nous noirait comme deux chats si on allait le balancer. On va prêter serment et on va jurer de se taire. Et comment on fait ? On lève la main et on jure ? Non, c'est un truc sérieux, c'est pas un truc de gosse. Hein. Tu écris quelque chose et on le signe avec notre sang, d'accord ? D'accord. T'as ce qu'il faut ? Attends. Une craie, ça ira. Ouais. Tiens, passe-moi le bardeau de pain là. La planche. Ouais. Bon, alors. Je vois rien, moi. Tu veux quelque chose ? Ouais. Huck Finn et Tom Sawyer jurent de garder bouche cousue et acceptent de tomber raide mort si jamais ils parlent. Ça va comme ça ? Ça va marcher. C'est un vrai pacte. Je m'y connais. C'est pas bon signe. Un chien est venu hurler autour de la maison de Johnny Miller vers minuit il y a au moins 2 semaines. Ça lui a porté malheur. Mais Johnny Miller n'est pas mort. Mais non. Mais il s'est foulé la cheville. C'est de la malédiction, ça. Mais qu'est-ce que tu crois que c'est ? Et l'autre jour, il a perdu une dent, rien qu'en éternuant. Oh, bon sang. On reste pas ici une minute de plus, hein. Je rentre chez Tante Polly. Non, d'accord. Et toi, tu vas dormir où ? Comme d'habitude, ici ou là. Oh, tiens, il y a peut-être la grange de Sullivan. Bon, d'accord. Bonne nuit. Ouais, tiens, bonne nuit. Ah, tiens, ça c'est une bonne idée, la vieille grange de Sullivan. Tu dors dans ton assiette ? Mmh. Eh, dis, me prends pas pour la queue d'une poire, hein. Où t'as été traîné avec tes chaussures toutes crottées, là ? T'as été faire les 400 coups ? Non. T'es encore allé courir au diable. Au diable ? Comment ça, le diable ? N'aie pas peur, c'est une façon de parler. Tu me diras la vérité, hein ? Quelle vérité ? Tes souliers sont tout crottés, regarde-moi ça ! Qu'est-ce que t'as été faire cette nuit ? J'ai fait un cauchemar, c'est tout. Un cauchemar qui salit les chaussures ? Eh ben... Y'a quelqu'un ? Entrez, Miss Harper ! Oh, bonjour, Pony. Bonjour, Tom. T'as pas l'air dans ton assiette ? Dieu seul sait où il a traîné cette nuit. Ah, du côté du cimetière, j'espère. Pourquoi, grand Dieu ? Oh, c'est la nouvelle qui a fait tout le tour du village ce matin. On a retrouvé le docteur Robinson par terre, tout raide, tout ensanglanté, des pieds à la tête, la gorge ouverte, la langue sortie, les yeux... Ben quoi ? Ils sont comment, ses yeux ? Comment dire ? Révoltés. Révulsés ? C'est ça ! Il est mort ? Oh, encore plus mort que le vieux Benny Williams quand on l'a retrouvé dans sa citerne. Le pasteur l'a secoué une bonne dizaine de fois. Le pauvre docteur Robinson n'est pas revenu à lui. Je gage qu'il ne le fera plus jamais. Mais pourquoi il est allé mourir dans le cimetière ? Il n'a pas choisi, croyez-moi. Il a été... Eh ben quoi ? Il a été assassiné. Assassiné ? Tom, file dans ta chambre. Non. Je veux savoir, moi aussi. À l'heure qu'il est, tout le monde est au cimetière. Pour voir le spectacle d'un homme assassiné, avec la langue sortie. Oh ! Belle mentalité ! Ah oui, c'est vrai. Belle mentalité. Oh, pauvre docteur ! Bon, vous dites qu'il est au cimetière encore à cette heure ? Comme je vous dis. Alors, allons-y. Allons-y où ? Bah, au cimetière. On va quand même pas laisser ce pauvre homme tout seul avec les vautours ? Oh ben non, ça alors. Oh, Dieu nous garde. Allez, venez. Passer. Rien à faire. 3 coups de couteau dans la poitrine. Allez savoir qui a pu faire ça. Qu'est-ce qu'il est venu faire là, le docteur ? Regardez par là, mon père. Regardez, une pioche, une pelle, de la terre retournée devant cette tombe. Là, c'est la marque des déterreurs de cadavres. Vous pensez que le docteur Robinson... Ça n'est aucun doute. Il a dû embaucher 2 crapules pour faire un sale travail. C'est pas la première fois que ça arrive. Sauf que là, ça a mal tourné. La cupidité, l'égoïsme, la bêtise, voilà ce qui égare les hommes. On a trouvé ça dans le sable. J'ai pensé que ça vous intéressait, shérif. C'est un couteau, oui. Je le reconnais, c'est le couteau de Stanley Potter. Tu en es sûr ? Aussi sûr que je m'appelle Sullivan et qu'il y a les prunes à mon prunier. Regardez, c'est un manche en os. Vous croyez que ce vieux fou aurait pu faire ça ? À mon avis, il doit être en train de cuver son whisky quelque part. Il doit pas être difficile à retrouver. C'est un pauvre bougre. Vous verrez, mon père. On lui trouvera du sang sur les mains, votre pauvre bougre. Sous votre respect. Je n'arrive pas à le croire capable d'un tel crime. Regardez, par là. C'est toujours l'Indien. Lui, c'est un vrai sauvage. Voyons, s'il était coupable, il ne serait pas là avec nous. Si c'était lui l'assassin, le corps se remettrait à saigner. C'est pas vrai ce que je dis ? Je crois que oui, Sullivan. Toutefois... Regardez, qu'est-ce que je vous disais ? C'est Stanley Potter ! Mais lâchez-le, s'il vous plaît, lâchez-le ! Lâchez-le, je m'en occupe ! S'il vous plaît ! Mais calmez-vous, je vais m'en occuper ! C'est à la justice maintenant de décider. C'est pas moi ! C'est pas moi, ma parole ! Je vous jure que je l'ai pas fait, c'est pas moi! Rapulva, regarde ton travail! Mais je le jure! Jérôme, dealer, ne me laisse pas! Hey, Potter, c'est ton couteau! C'est ton couteau ou non? Oui, mais je ne sais plus! Potter, et le sang sur ta veste! Jérôme, dealer, toi! Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? La triste vérité? Alors écoute-moi bien. Tu étais ivre hier soir et tu t'es jeté sur le docteur et tu lui as planté ton couteau dans le cœur. Voilà la vérité! Oh, c'est lui! C'est Potter, dis-le! Jolinga, vous répéterez votre témoignage ou serment? Oui, shérif. Les choses sont dites. Je m'occupe du pauvre Potter. Quant au docteur Robinson, on lui donnera une sépulture digne de ce nom. Oui, bien sûr, mon père. Allez, vous tous, rentrez. Et rentrez tranquillement. Salut, Val. Il n'y a plus de trucs au village, là. Si on les laisse faire, les Voilà comment se font les erreurs judiciaires. Un innocent est en prison. Et le véritable coupable se promène en liberté. Pendant ce temps... Les seuls témoins du crime, Tom Sawyer et Huckleberry Finn, se taisent parce qu'ils ont peur des représailles. Salut, Huck. Salut, Tom. Est-ce que tu as parlé ? Parler de quoi ? De ça. Ah, mais non, évidemment. Pourquoi tu me demandes ? Oh, pour savoir. Tu as entendu les gens au village ? Ils ne parlent que de Stanley Potter. Ouais. Stanley Potter, le sanguinaire, le fou, le satanique. Ouais, mais je sais. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose. Non. Oh, tout à l'heure. On ne peut pas faire grand-chose pour soulager sa conscience. Sinon, se rendre du côté de la prison. Comme le fait Tom Sawyer, sans se montrer chaque fois qu'il le peut. Là, par la petite fenêtre grillagée donnant sur la cellule, Tom fait passer au soi-disant meurtrier autant de petits réconforts qu'il peut en trouver. Hey, Stanley ? Hein ? Stanley ? C'est Tom. Ah. Tiens. Ah. Merci, mon gars. Attends. Tiens, j'ai aussi un petit peu de tabac et une pomme. De tous ceux du village, tu es le seul qui m'aime encore. Je m'en souviendrai, Tom. Pourquoi je me trouve d'ici quelque temps, je m'en souviendrai. Demain, j'aurai peut-être aussi un beignet pour toi. Salut. La découverte d'un cadavre au cimetière avait mis le village sans dessus-dessous. Puis tout le bourg était retombé peu à peu dans la torpeur habituelle. Maintenant que le procès pour meurtre vient de s'ouvrir, l'agitation reprend. L'atmosphère endormie se dissipe à nouveau. Le procès de Stanley Potter redevient le thème de toutes les conversations. Et le jour où le juge Thatcher prend la parole... Je déclare ouvert le procès pour homicide instruit contre Mr. Stanley Abraham Potter, ici présent. Tout le monde au village retient son souffle. C'est entré le premier témoin. Tout le monde est là, y compris Tom Sawyer. Si malheureux de voir un innocent entre les mains d'un juge qu'il n'endort plus de la nuit, et quand il dort... C'est pour faire d'horribles cauchemars dans lesquels Joe l'Indien, armé d'un long couteau, l'attend au coin d'une rue déserte. Non ! Non, non, ne me tuez pas. Je dirai rien, je vous jure. Tom, qu'est-ce qu'il y a ? Tu parles tout seul. Laissez-moi donc dormir un peu, si tu veux. Je dors. Non, c'est pas possible, non. Je ne peux pas. Je peux pas. Bon, ben, je vous remercie pour votre témoignage. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Merci, votre honneur. Bon, la parole maintenant est à la défense. Je n'ai rien à ajouter. Vraiment ? Pas de questions à poser aux témoins ? Non, votre honneur. Pardonnez-moi, mais vous n'avez procédé à aucun contre-interrogatoire ce matin. Ah oui, c'était ça. Ah oui, mais un drôle de façon de mener votre défense. Mais vous allez comprendre. Bah, je l'espère. Votre client joue sa tête, vous savez, hein, les charges sont lourdes. Les témoignages concordent. Et pourtant, j'avais vous prouvé que Stanley Potter est innocent. Je voudrais faire comparaître un témoin. Mais la liste des témoins est close. Mon témoin s'est déclaré seulement cette nuit. Il est venu me trouver chez moi et a demandé à témoigner aujourd'hui. Ah bah c'est de plus en plus singulier. Bon, bah, faites entrer ce témoin surpris. Je vous appelle Thomas Sawyer à la barre. Thomas Sawyer, où étiez-vous le 17 juin vers minuit ? Un peu plus fort, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Dans le cimetière. Étiez-vous caché ou pas ? J'étais caché. Que veniez-vous faire là à minuit ? Je voulais enterrer un chat. Bien. S'il vous plaît. J'étais moi. Avez-vous vu le docteur Robinson ? Oui. Avez-vous vu son assaillant ? Oui. Oui. L'assassin est-il présent dans cette pièce ? Oui. Mais quel est son nom ? N'ayez pas peur, Tom. Oui. Pouvez-vous le désigner à la cour ? Oui. Allez-y. Allez-y, Tom. Parlez. C'est lui, c'est Joe l'Indien. Arrêtez-le ! Ne laissez pas ce qu'il s'appelle ! Arrêtez-le ! Tom Sawyer, vous avez bien désigné le dénommé Joe l'Indien comme étant responsable de la mort de Robinson ? Oui, c'est lui, je l'ai vu, c'est lui. Stanley Potter n'y est pour rien. C'est bien, Tom. C'est bien, mon garçon. Tu as été très courageux. Et voilà, Tom Sawyer devient une fois de plus un héros adoré par les vieux, envié par les jeunes. C'est à se demander s'il ne deviendra pas président un jour. Ou conducteur de locomotive. Comme à l'accoutumée, le monde, décidément volage, a recueilli Stanley Potter dans son sein et le caresse maintenant aussi généreusement qu'il l'avait maltraité. On a eu beau offrir des récompenses et passer la région au peigne fin, Joe l'Indien est resté introuvable. Alors, on a fait venir au village une de ces merveilles omniscientes et imposantes, un détective. Oh, il a farfouillé, secoué la tête, pris un air inspiré. Et il est parvenu à cette espèce de succès retentissant que les membres de cette profession obtiennent le plus souvent. C'est-à-dire qu'il a découvert un indice. Mais on ne peut pas apprendre un indice pour un meurtre. Depuis la fin du procès, Tom Sawyer passe des journées joyeuses. Mais chaque nuit, le spectre de l'Indien continue de le poursuivre. La moitié du temps, Tom redoute que l'Indien soit capturé. L'autre moitié du temps, il a peur qu'il le soit. Il sait qu'il ne pourra plus jamais vivre en paix tant qu'il n'aura pas vu son ennemi mort et enterré. Vous voulez savoir comment se termine cette histoire ? C'est simple, elle se termine au fin fond d'une grotte. Figurez-vous qu'un beau matin... Mais le temps nous manque, je vous raconterai la suite la semaine prochaine. Du moins si Joe l'Indien me laisse en vie jusque-là. Oh. C'était... Les aventures de Tom Sawyer, de Mark Twain. Traduction de Bernard Hopfner, adaptation de Pierre Sange. Rémi Goutalier. Alexandre Brutus, Daniel Léger. Martin Amic, Nicolas Gonzalez, Marie Spoul, Josette Stein, Yves Pignot, Niki Marbeau, Pierre Laplace, Mustapha Abourachid, Ygritte Jolin, Éléonore Simon, Murani Kovacs, Sophie Buis, Jean Ocotrel, Olivier Cruveillé, Fabrice Lotou, Michel Baladi, Vincent Farras, Patrice Bertand, Judith Morand. Judith Morand. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Philippe Bredin et Dimitri Scapolan. Assistant, Fabrice Lègle. Réalisation Myron Meyerson. Les aventures de Tom Sawyer ont paru aux éditions Tristram. Les aventures de Tom Sawyer, de Mark Twain. Oh, Tom Sawyer. Traduction de Bernard Hopfner, adaptation de Pierre Singe. Où est-il encore celui-là? Qui est-ce qui m'a fichu un garnement pareil? Voici venu le dernier épisode des aventures de Tom Sawyer. Tom, tu es là? Avouons-le, il y aurait encore beaucoup à raconter au sujet de ce garçon. Tom? On pourrait faire le récit de ses aventures sur les rives du Mississippi ou à bord d'un bateau. Tom ? On pourrait raconter comment il a sauvé un chat de la noyade. Mais Tom ! Le temps encore une fois nous manque. Et le plus important maintenant est de savoir Tom ! Comment se sont terminées les mésaventures de Tom Sawyer contre Joe l'Indien. Tom ! L'homme le plus dangereux du Missouri. Il sait pourtant bien que j'aime pas le savoir en vadrouille. Pour ceux qui l'ignorent encore, Joe l'Indien est l'assassin du docteur Robinson. Tu es dans ta chambre ? Tom Sawyer était caché dans le cimetière cette nuit-là, quand Joe l'Indien a commis son crime. Il a été témoin de toute la scène. Pour sauver un innocent de la potence, Stanley Potter, il a désigné le véritable coupable. Mrs. Harper, est-ce que vous avez vu mon petit Tom ? Je l'ai vu passer tout à l'heure en courant. Par malheur, Joe l'Indien est parvenu à s'enfuir et depuis ce jour, il est devenu introuvable. En courant ? Où est-ce qu'il est encore allé se perdre ? Pas bien loin, vous inquiétez pas. Bien sûr que je m'inquiète. Vous oubliez cet Indien de malheur ? Il a juré de se venger. Croyez-moi, j'ai de quoi me faire des cheveux blancs. Vous verrez, il va revenir. Il doit être au bord de la rivière. Heureusement, le temps s'écoule. Les journées se suivent et le poids de la peur devient chaque matin un peu plus léger. Vient un temps dans la vie correctement structurée d'un garçon où il est pris d'un irrépressible désir d'aller quelque part et de creuser le sol pour découvrir un trésor. Psst, Huckleberry. Chut, quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai décidé d'aller chercher un trésor, tu viens avec moi? Un trésor? Bien sûr que je viens. Et où c'est qu'on va creuser? Oh, un peu partout. Attends, on va creuser un peu partout? Mais non, les trésors sont cachés dans des endroits très spéciaux. Parfois sur des îles, parfois dans des coffres pourris sous la branche d'un arbre mort, exactement là où tombe l'ombre à minuit, hein? Ou bien sous le plancher d'une maison hantée. Oh, qui les cache? Et les voleurs? Qui d'autre, à ton avis? Les directeurs d'école? Et on va creuser n'importe où, comme ça, au hasard. Mais non, surtout pas! Il suffit de trouver un arbre mort qui a une branche qui se projette à l'horizontale. On va creuser sous tous les arbres qui ressemblent à ça. Oui. Mais ça va prendre tout l'été. Et alors? Suppose que tu déterres un pot en cuivre avec des diamants et 100 dollars dedans. Tout rouillé et scintillant. Et pas tant. Tu me donnes les dollars et tu gardes les diamants. J'en veux pas. D'accord. Tu sais, les diamants, ça peut valoir cher, hein. Il y en a qui valent 1 dollar pièce. Tu plaisantes? Tout le monde te le dira. Les rois, ils en ont des tonnes. Moi, je connais pas de rois, hein. Si t'allais en Europe, t'enverrais des paquets éparpillés un peu partout. Dis-moi, c'est un terrier profond, un trésor? Plutôt, oui. Je commence à fatiguer, là. Oh, pense au diamant, 1 dollar pièce. Tu crois qu'on a choisi le bon arbre? On va en essayer un autre. Celui-là fait pas l'affaire. Ça, c'est clair. Allez, hop. Tiens, Luc, on va essayer celui-là. Regarde, il y a une branche à l'horizontale. Et dis-moi, ouais. Qu'est-ce que tu feras avec $1 million? Tu sais quoi? J'aurai de la tarte et un verre de soda tous les jours. Et j'irai au cirque. Et toi? Allez, Luc. Creuse. Oui, bah, c'est ce que je fais, hein. Pioche. Ouais. Bon, y a rien ici non plus, hein. C'est trop peu de méthode. Bon, on laisse tomber les arbres. Bonne idée. Il faut aller chercher du côté des maisons hantées. Oh mon Dieu, moi je n'aime pas trop ça, les maisons hantées. Mais on ira en plein jour, il n'y aura pas un seul fantôme. Et puis une maison hantée, c'est l'endroit idéal pour les voleurs. Personne n'ose s'y approcher, on y est tranquille. De quelle maison tu parles? Celle de Cardiff Hill. Oh, je suis pas sûr, moi, mais si c'est ton idée, je suis avec toi. Ok, prends tes outils et viens-t'en. On va faire fortune. La maison hantée de Cardiff Hill est une vieille bâtisse abandonnée depuis un demi-siècle sur les pentes de la colline. La nuit, on y voit des chauves-souris et le jour, des montagnes de broussailles. Quand Tom et Huckleberry s'en approchent, il s'en dégage quelque chose de tellement lugubre dans le silence et sous ce soleil de plomb qu'ils ne peuvent s'empêcher d'avoir peur. Un plancher poussiéreux envahi de mauvaises herbes. Des murs lépreux. Un escalier délabré. Tu crois que c'est vide? Il faudrait ouvrir toutes les portes pour voir derrière. Hé, hey, dis, on est vachement courageux. Je trouve aussi. On monte à l'étage? Ouais, d'accord. Tu passes devant? C'est fermé. Tiens, regarde les placards. La poussière, des placards vides. Chut. Tu entends? Ah ouais, comme au cimetière, c'est la même chose. On est maudits. On redescend. Tu crois que c'est des voleurs? Chut, chut, papa. Je te jure que si je remets la main sur ce gamin, il va passer un seul quart d'heure. D'autres choses à faire, c'est qu'on prend la défense. Oh, c'est Joe l'Indien. Et l'autre, je sais pas. D'abord, te faire oublier. Puis, partir au Texas et puis après... Hé, c'est à moi de voir ce que je dois faire. Pour l'instant, cacher cet argent. Et ensuite, m'occuper de ce maudit Tom Sawyer. Enterrer l'argent? Mais pourquoi tu crois qu'on est venu là, Louis? Pour jouer aux osselets? 650 pièces d'argent, c'est trop lourd. On reviendra les chercher plus tard. Tiens, aide-moi. On va simplement enterrer le fric bien profond. Passe-moi ton sac. Tiens, là. Soulève-moi ces trois planches à moitié pourries. On va creuser là-dedans. Oui, seigneur. Une fois au Texas, j'aurai la paix. D'ici 5 ou 6 mois, on m'aura oublié, alors... Voir quoi? Ce qu'elles ont trouvé sur les planches? Un coffret, regarde! Hé, <Hey. rire> cette maudite chance. Tu crois ça, toi? Hé, hey, essaye d'ouvrir. Aussi bien c'est rempli de vieux clous, hein, cette boîte-là. Ah, si ça se trouve, c'est... Oh. Alors, compadre, est-ce qu'il y a moins bien des pièces? Des pièces? Non. Il y en a pour des milliers de dollars là-dedans. Tout bon, mon avis? On a toujours dit que la bande des Shandy avait traîné par ici un été. T'as raison. On dirait bien que c'est leur but. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On emperle le tout et on revient? Ici? Ah non. Non, c'est trop gros maintenant pour risquer ça. Non, on le prend avec nous. On a un meilleur endroit où cacher des sommes pareilles. Pas de blague, hein? C'est les étrouver avec toi, ces milliers de dollars. Hé, hey, Louis, tu me connais. Fais-moi confiance. Je te connais bien, Tso. Pour ça, je te connais. Bon, on plie le bagage, allez. Vamos. Aucune raison de s'attarder, on est riches à présent. Dire qu'il nous a filé sous le nez. Hey, tu crois qu'on pourrait retrouver le trésor? Joe l'Indien doit avoir de sacrées planques. Hey, ça vaut la peine, non? Peut-être qu'en cherchant bien. Plusieurs milliers de dollars, c'est un sacré trésor. Et il est très tentant pour deux jeunes garçons intrépides de se mettre à sa recherche. Mais la tâche risque d'être difficile. Joe l'Indien n'est pas né de la dernière pluie. S'il décide de cacher son butin, vous pouvez être sûr qu'il dénichera l'endroit idéal. Inaccessible et profondément enfoui. Seul le hasard parviendra peut-être à mettre Tom Sawyer sur la bonne piste. Le hasard ou sa bonne étoile ? À propos de bonne étoile, nous avons déjà parlé de la jeune Becky Thatcher. Vous savez, la fille du juge. L'amour secret de Tom Sawyer. Voici enfin venu le temps de faire sa connaissance. Hé, hey, hey, viens, tu vas me dire. Oh non, arrête. Si vous dressez l'oreille, vous entendrez les ronflements du vieux bac à vapeur. Les vagues du Mississippi. Du Mississippi. Oh. Le chant d'une négresse, le vol d'un bourdon et les cris d'une bonne quinzaine d'enfants survoltés. Nous voici loin du village, au beau milieu de cette belle campagne du Missouri, au cours d'un grand pique-nique organisé par la famille du juge Satchin. Hé, on fera une partie de cache-cache, puis on ira se peigner, d'accord? D'accord. Et on restera jusqu'à ce que la nuit tombe. Ça te dit? Ouais. Tous les jeunes du village, ou presque, sont présents, vêtus comme des explorateurs. Et armés de solides paniers de victuailles. Hé, hey Becky, tu connais les grottes? Je voudrais te les faire visiter. On leur donne des noms formidables. Le palais d'Aladin, la caverne d'Ali Baba. Et qui se peut être Ali Baba? Aucune idée. Allez, viens, suis-moi. La coutume ne permet à aucun adulte de gâcher cette fête. Les enfants sont considérés comme en sécurité sous l'aile protectrice de 3 ou 4 grandes sœurs, elles-mêmes flanquées de quelques jeunes blancs-becs. N'aie pas peur, je connais la grotte comme ma poche. Tu as pris les bougies? Oui. Et dis-moi, tu préfères t'appeler Tom ou Thomas? Oh, Thomas, c'est quand je suis puni. Quand je suis gentil, c'est Tom. Ben, alors, je t'appellerai Tom. Voilà. C'est là l'entrée de la grotte. Waouh! C'est immense! Et très profond, tu verras. On n'a pas fini de tout explorer. T'as pas peur d'entrer là-dedans? Ne t'en fais pas. Tu crois qu'il y a des chauves-souris? Oh, c'est certain. Mais il faut aller un peu plus profond pour ça. J'espère qu'il n'y a pas de rats. Hein. Moi, je déteste les rats. Moi aussi, quand ils sont vivants. Mais j'aime bien les rats morts. Ceux qu'on fait tourner autour de sa tête avec une ficelle, tu sais. Moi, je m'intéresse pas vraiment aux rats, de toute façon. Ah. Moi, ce que j'aime, c'est le chewing-gum. Ah, oh. Oui, moi aussi. J'aimerais en avoir un maintenant. Ah oui? J'en ai un. Ah. Je veux bien te laisser mâcher un peu, mais tu me le rends après, d'accord? D'accord. Elle est belle, cette grotte. Tu sais par où passer? Par ici. Quel drôle de silence. On n'entend plus les autres. C'est vrai? Approche ta bouche par là. paume? Ouais, c'est une stalagmite. Une stalagmite, non? Oh ouais, oui, peut-être. On dit aussi stalagmite. Drôle d'endroit. On dirait que ça n'a pas de fin. Becky, tu aimerais être ma fiancée? Pourquoi pas? Je sais pas. Ça fait quoi? Quoi? Ça ressemble à rien, en fait. Tu dis juste à un garçon que t'auras jamais personne d'autre que lui, et puis tu l'embrasses, c'est tout. Et pourquoi on s'embrasse? Tu sais, c'est pour... Enfin, tout le monde fait ça, tous ceux qui sont amoureux. Si on est amoureux, tous les deux, on peut s'embrasser. Maintenant? Ici? N'aie pas peur, c'est vraiment rien du tout. Tom? Tout va bien se passer. Voilà. Maintenant, tu ne dois jamais aimer quelqu'un d'autre que moi. Et tu ne dois jamais épouser quelqu'un d'autre que moi. Jamais. Et pour toujours. Tu le promets? Et toi non plus. Tu dois jamais épouser quelqu'un d'autre que moi. Je te le promets. Continuons. Mais alors, on est fiancés? Oui. Pour toujours? Oui. Et on se mariera bientôt? Qu'est-ce que tu dis? Mais Tom, pourquoi tu t'arrêtes? J'ai perdu mon couteau. Je l'avais dans ma main tout à l'heure. J'ai dû le poser quand on regardait les stalactites. Tu le retrouveras au retour. Je me demande si on n'est pas trop avancé, là. Il faudrait peut-être faire demi-tour. Et est-ce que tu peux retrouver ton chemin, là? Bien sûr que je vais le retrouver. Il faut faire attention à nos bougies, là. Si elles s'éteignent, on sera dans un pétrin terrible. Remontons par là. D'accord. Ne lâche pas ma main. Bien sûr. N'aie pas peur. Oui, j'ai pas peur. T'es sûr du chemin? Oui, je crois. Tu reconnais l'endroit? Il me semble. Tom! Est-ce qu'on est en train de se perdre? Pas encore, non. Attention! Qu'est-ce que c'était? Des chauves-souris. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Il n'y avait pas de chauves-souris tout à l'heure. Je me suis peut-être trompée. Ce serait terrible de se perdre. On n'entend absolument rien. Ne recommence pas, c'est trop horrible. Il faut le faire pourtant. Il faut qu'ils nous entendent dehors. Et où c'est exactement dehors? Je sais pas. Alors on est définitivement perdu. Les autres vont finir par nous entendre. Ah, ils sont partis, il est très tard. Comment tu le sais? On distingue pas le jour de la nuit. Et nos bougies sont à moitié fondues. Ça fait combien de temps maintenant qu'on est sous terre? Oh, un bon moment. Mais ça ne sera plus très long. Le temps que les autres reviennent du pique-nique et qu'on se rende compte de notre absence. Moi, je devais dormir chez la veuve Douglas. Alors tu comprends, tante Pauline va pas s'étonner de mon absence. Mais toi, tes parents, ils t'attendent. Ils ont dû donner l'alerte quand ils t'ont pas vu revenir. Mais Tom, je devais moi aussi dormir chez Doris ce soir. Mes parents ne s'attendent pas à me revoir. Dans ce cas, il va falloir attendre plus longtemps que prévu. Il faut économiser nos bougies. Viens, ne restons pas là. Où tu veux aller? Il faut coûte que coûte essayer de retrouver la sortie. Ça va? On continue? Je suis épuisée. Faisons une pause, tu veux? J'ai tellement soif. Il doit y avoir une source quelque part. Peut-être qu'on l'entendrait couler. Tu entends de l'eau? Non, mais je me demande. On dirait des bruits de pâme. Oui. Tu crois que quelqu'un vient nous chercher? Ou bien c'est autre chose? Autre chose? Mais quoi? Allons voir, c'est par là. Tu entends? De la lumière. Là, tu vois? Oui. Là, il y a quelqu'un. Eh oh! Qu'est-ce qui se passe? Ils s'en vont, au lieu de venir vers nous. Oui. Tu l'as vu? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas l'air d'aller. On dirait que t'as vu un fantôme. Un fantôme? Mais dis-moi, qu'est-ce que c'était? J'en suis pas sûre. Si quelqu'un se promène par ici, c'est qu'on doit pas être loin de la sortie, non? C'est ce que je me dis aussi, mais dans quelle direction aller? On va trouver. Mais pas si facile. Il faut rester prudent. Notre dernière bougie est sur le point de s'éteindre. Il n'y en a plus pour longtemps. Raison de plus. Allez, restons pas là sans bouger. Et s'il faut s'avancer sans bougie, on le fera. D'accord. Donne-moi la main. Dans la grotte, 2 jours plus tard. C'est inutile, on n'y voit plus rien. On avance dans le noir depuis des heures. Je sais. Je suis fatiguée. Moi aussi. Mort de faim, de soif. Arrêtons-nous là, tu veux. Ça sert plus à rien. Tu as raison. On nous retrouvera un jour, tu crois? Un jour? Je veux dire, on retrouvera nos corps. Tu penses que... C'est fini, Tom. On s'en sortira jamais. Assieds-toi à côté de moi. Becky, je suis désolée. Sois pas désolée, Tom. C'est pas toi, c'est ce gouffre. Oh, j'aurais voulu... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un couteau. C'est mon couteau, Becky. Regarde, c'est mon couteau. On était sur le bon chemin, Becky. Relève-toi. S'il fait jour dehors, on verra bientôt la lumière. Allez, viens. Un dernier petit effort. Où est-ce qu'ils sont à présent, les deux gamins? Entre de bonnes mains, c'est les dames. Pas d'inquiétude. Je ne m'inquiète pas pour eux, mon père. La Providence veille. 3 nuits au fin fond de cette grotte du diable. Dans quel état on les a retrouvés? Vivants, c'est ce qui compte. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Pour l'instant, dormir. Rien d'autre. Ils en ont bien besoin, les pauvres. Alors, qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans cette grotte? L'essentiel, c'est qu'ils soient sains et saufs. Elle est si mignonne, la petite Becky Thatcher. C'est dangereux, ces grottes. Encore plus dangereux qu'on ne croit. Vous savez sur qui Tom est tombé tout au fond de cette caverne? Non. Joe l'Indien. Joe l'Indien? Celui qui a tué? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il faisait là, lui, encore? Ses manigances habituelles. Mais il les a pas emportés au paradis. On l'a retrouvé mort. Joe l'Indien, mort! Lui aussi a dû perdre son chemin. Seulement, il a eu moins de chance. Il est resté sans rien boire ni manger pendant des jours. Maintenant, c'est fini pour lui. Bon débarras. Paix à son âme, si c'est possible. Au moins, Tom n'a plus rien à craindre maintenant. Une chose est sûre. Je lui ai interdit de jamais remettre les pieds dans ce trou. C'est trop dangereux. Tom? Quoi? T'es sûr qu'on a bien fait de revenir dans la grotte? Mais t'en fais pas, je me ferai pas prendre 2 fois. J'ai tout l'équipement. Ouais, ça marche. Ouais. Hé, Tom? Quoi? Tu crois vraiment que Joe l'Indien, il a caché son trésor là-dedans? C'est la cachette idéale, tu crois pas? J'ai bien étudié le chemin. Je suis revenu là en douce 2 ou 3 fois sans le dire à personne. Hé, Tom? Quoi? Non, rien. C'est un endroit du tonnerre, non? Oh, l'idéal pour des pirates. J'ai toujours voulu être un brigand. Il me fallait un repère comme celui-là. On fera un gang. Le gang de Tom Sawyer. Là, on volera qui? Oh, un peu tout le monde. On attaquera des gens. On les tuera? Non, on les rançonnera. Ah ouais? Comment on fait? Je sais pas, juste... Il faut un gros gourdin, je suppose. Tiens, c'est là. C'est là que j'ai vu Joe l'Indien, j'en suis sûr. Approche ta bougie. Qu'est-ce que tu vois, là, sur la roche? Une croix. Exact. Eh non, Laisse tomber. Je sens qu'il y a le fantôme de Joe l'Indien qui est pas loin. Bah, oublie un peu les fantômes, ils ont mieux à faire. Oh. Regarde, il y a des empreintes de pas. Et du suif de chandelle dans l'argile sur le côté de cette roche. Je parie que l'argent est là-dessous. Allez, creuse. Encore? Mais creuse. T'es pas fatigué de creuser, toi, là? Cette fois, c'est la bonne, je te dis. Bon. Ah, ça sert à rien, là. Je te dis que c'est la bonne. Aide-moi. Bah, mais non, tu continues tout seul, vas-y. Tout seul? Ah oui. Mais... Ah. Tiens, regarde. Regarde là. Ouais. On dirait... Je te l'avais bien dit. C'est un coffre. Aide-moi à le tirer de là. Hey, c'est lourd. Approche la bougie, là. Regarde. Oh, il y a aussi un baril de poudre et un fusil. J'arrive pas à y croire. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Oh, bah dis donc. Regarde. Oh, nom d'un chien. Le trésor de Dieu l'Indien. Regarde, il y a toutes les pièces. On est riche. Non seulement on est riche, mais en plus c'est pour de vrai. On est riche. On est riche. On est riche. Attends. Vous pouvez être sûr que cette aubaine tombée sur Tom et Huck produit une grande effervescence dans le pauvre petit village de Saint Petersburg. Maintenant qu'ils sont devenus riches, Tom et Huck sont admirés, flattés et accueillis partout à bras ouverts, ce qui n'était pas dans leurs habitudes du temps de leur pauvreté. Du jour au lendemain, les gens du village se sont rendus compte à quel point ces deux sacripants étaient des anges. Mais la vie et les sentiments de deux enfants du Missouri en 1840 ne sont pas aussi simples qu'on ne l'aurait pensé. Tom ? Quoi ? Ça va mal. Pourquoi ? Depuis que je suis devenu riche, on me force à être un bon garçon comme les autres. Je dois me lever toujours à la même heure, aller à l'école. Je comprends ça. Tu t'habitueras ? Hein ? M'habituer, mais jamais. Je veux pas être riche. Je veux pas vivre dans une maison étouffante. J'aime les bois, le fleuve, la campagne. Du moment où on a un fusil et une grotte à nous tout seul, eh ben on est libre, non ? Oh, écoute, être riche, ça va pas m'empêcher d'être un voleur. C'est vrai ? Tu sais quoi ? Ouais. On va le faire, ce gang. On se réunira tous les soirs dans la grotte. On fera des ponts syllabules. On aura des tas de secrets. On kidnappera des gens et on les rançonnera avec des gourdins. On prêtera serment à minuit dans des maisons hantées. Et puis on accumulera des tas de butins. Hé, hey, Tom, si je deviens un vrai brigand grâce à toi et que tout le monde en parle, eh ben je serais vraiment fier de m'être sorti du caniveau. Ainsi s'achève cette histoire. C'est peut-être une façon un peu abrupte d'interrompre un récit, mais... Après avoir réfléchi à la meilleure façon de mettre un point final, je n'en ai trouvé aucune de véritablement convaincante. Comme si les aventures de Tom Sawyer ne devaient jamais avoir de fin. Il est maintenant l'heure de se taire, mais rien ne vous interdit de continuer seul. À votre tour. En imaginant des personnages. Des animaux. Des trésors et des fantômes. Des indiens et des pirates. Des tantes Polly et des Mrs. Harper. À condition, bien sûr, que tout ce petit monde se rassemble sur les rives de l'immense fleuve Mississippi. Mississippi. Oh. C'était... Les aventures de Tom Sawyer. De Mark Twain. Traduction de Bernard Hopfner. Adaptation de Pierre Sanche. Rémi Goutalier, Alexandre Aubry, Jeff Esperanza. Martin Amic, Fanny Touron, Marie Spoul. Josette Stein, Sophie Buy, Jean Ocotrel. Mustapha Abourachid, Ingrid Jolin, Éléonore Simon. Fabrice Lotou, Patrice Bertin, Judith Morand. Michel Baladi. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Philippe Bredin et Dimitri Scapolan. Assistant, Fabrice Lègle. Réalisation, Myron Meyerson.